si je vais partir. Ne me demande pas si je vais m'enfuir. Ne me demande pas si je vais mourir. C'est pas le moment, non, pas le moment. Ne me demande pas qui je vois ce soir. Ne me demande pas qui m'attend au soir. Ne me demande pas avec qui je vais boire. C'est pas le moment, non, pas le moment. Laisse-moi rêver, je ne veux que t'aimer et t'embrasser. Le temps nous est compté. Ne me demande pas si j'ai peur pour toi. Ne me demande pas si je pense à toi. Ne me demande pas si je n'aime que toi. C'est pas le moment, non, pas le moment. Ne me demande pas pourquoi j'écris ces mots. Ne me demande pas pourquoi tous ces sanglots. Ne me demande pas de te tourner le dos. C'est pas le moment, non, pas le moment. Laisse-moi rêver, je ne veux que t'aimer et t'embrasser. Le temps nous est compté. Je voudrais tant te dire que ta peau est dorée. Je voudrais tant te dire que ta bouche est sucrée. Et te regarder, ivre les yeux, émerveillé. Émerveillé, émerveillé. Laisse-moi rêver, je ne veux que et t'embrasser. Le temps nous est